Start singing and then you stop. Down on me, and I see you fly as you.

such easy words to use. I want to fly away. I want to get away inside. That's why I was just those easy words to use for writing. I love it. Plus, I want to really fly away. I do. I want to fly away from outer space. I want to go meet some aliens on some different planets and stuff like that. Yeah. You gotta question your Au matin, y a des rires pour dans mon journal. Coco survit à sa grande première. Booba, dis-moi, possède une arme réglementaire. Biotechnologie, un monde de splendeur. Kidnapping des joueurs par un cyber patrouille. Au plus fin, le jeans, il a perdu son acheteur. Alors que Simon Palace, lui a perdu sa vie. Là encore, au cimetière, des femmes en colère. Un anacle quotidien, un grand froid. Je n'invente rien, c'est la presse qui parle. Ce 17 mai. Oh oui. You wanna get on some blues, you wanna get on some tunes, you wanna get on blues, yeah, yeah. Oh, baby, no, no. Ooh. Yo, oh, yo. No, no, oh, no. Yo, oh, no. Ow. If I'm not you, if I'm not me anymore. Oh, c'est long. Wow. Et paf, la musique s'arrête. On se croirait dans un bar où le proprio dit « On ferme !» It sounds like... Je sais pas, club. Finish your beer, please, and go out. Bon, not me, are you here? Oh, did you die? JP, t'es parti? Yes, not me is here. I am here. Is that you? Thank you. here. Not me is here. Roll call. Here. Thank you. Comment je peux être qu'une étincelle avec tellement d'étoiles?